Les Chroniques du Crack, cinquième émission en ce samedi 2 mars 2024, premier samedi du mois, l'honneur de Notre-Dame Sainte-Marie. Les Chroniques du Crack, votre émission de reconquête culturelle, présentée sur Odyssée par Hector de Maris, chevalier de Notre-Dame par la grâce de Dieu. Passionnément, je vous regarde. Du fond des temps, je vous entends. Je sais vos espoirs et vos larmes, moi, demoiselle d'Orléans. De Montréal, Angoulême, de Charleville à Charleroi. Vous savez bien que je vous aime, mais vous ne parlez plus de moi. Dans une langue étrangère que seront rédigées vos lois. Ma prière pour le roi Charles, ce n'était pas God save the King, mais en français tel qu'on le parle dans les maisons de nos collines. Non. Demoiselle d'Orléans dans les Chroniques du Crack, chantée magnifiquement chantée par la plus célèbre des dames d'Avignon, Mireille Mathieu. La Jeannette, la sainte fille de Jacques et d'Isabelle, Sainte Jeanne d'Arc, qui est le modèle des chevaliers d'hier comme d'aujourd'hui. Les Chroniques du Crack. Chevalier Hector de Maris. Imaginez un chevalier à notre époque. Imaginez ce cavalier revêtu de sa cuirasse, galoper le long de nos routes, tandis qu'au-dessus de lui passe un gros avion civil. Bonjour ! Cheval, l'armure, etc. Si tout cela était accessoire, et si l'objet, le but de la chevalerie, et sa nature même, était à trouver ailleurs. Mon nom est Hector de Maris. Je suis chevalier de Notre-Dame. Bienvenue dans les chroniques du Crack. Chronique du crâne. Frère Hector de Maris. Chronique du Crack. Bienvenue donc dans les Chroniques du Crack, votre émission trimestrielle de reconquête des esprits et de la culture française. Je suis très content de vous retrouver, entre parenthèses. Normalement, ça se fait en janvier, mais en janvier, il n'y avait pas d'émission. Donc, je vous souhaite maintenant une très bonne année, sans être dupe. Hein. À moins d'avoir pour cet été le roi très chrétien dont parlent les prophéties privées, rien ne devrait vraiment s'améliorer. Mais on a l'habitude. On a l'habitude, chaque année sociale qui nous arrive dans le visage comme un boulet est pire que la précédente et forcément meilleure que la suivante. Et les raisons des malheurs qui frappent tout le monde, les petits commerçants, les gilets jaunes, maintenant la classe paysanne, enfin maintenant, le problème dure depuis des décennies, est simple et tient en 10 lettres. Révolution. Et vos chroniques du crack, très modestement, en les 16 lettres du mot contre-révolution. Alors faites bien attention, ceci est mon conseil en ces temps de crise, lisez. Lisez les bons livres chrétiens contre-révolutionnaires, évidemment, parce que le livre est une arme. C'est l'antidote au poison des écrans, télé, ordinateur, etc., qui sont ces écrans qui sont les ambassadeurs de la révolution. Vous ne pourrez pas, on ne pourra pas empêcher que la révolution arrive sur nous en colonne médiatique infernale, mais on peut empêcher qu'elle passe par nous. Et comme il n'y a rien de pire que les choses importantes qui se disent de manière grave, vous savez que tout se dit en musique dans ces chroniques, et ce sera surtout de la musique médiévale, puisque la matière première de l'émission est la chevalerie féodale. Mais comme je vous parle de chevalerie, et que cette noble institution ne s'est pas arrêtée à l'apparition de l'automobile, il est important pour moi de vous faire écouter et aimer d'autres genres musicaux qui collent à notre entreprise de reconquête culturelle. Parce qu'il faut surtout, par la musique, glorifier la beauté. Parce que la vraie beauté est contre-révolutionnaire. La révolution n'aime que la laideur, le vice et la mort. Il suffit de comparer n'importe quel tableau de Philippe de Champaigne et n'importe quelle toile de Picasso dans sa période cubiste, pour s'en rendre compte. Ne quittez pas l'écoute, dans quelques minutes je vous passerai le Dies Irae du compositeur néo-baroque Carl Jenkins, quasi 5 minutes de grandeur musicale et chrétienne, et enfin Vive le Roi, le Vive le Roi de Didier Barbelivien qui, dans quelques jours, le 10 mars, aura 70 ans si Dieu veut. Monsieur Barbelivien a raison, les rois chrétiens ont fait la France et notre pays se défait sans rois chrétiens. Mais tout de suite, voici donc ce que vous allez écouter dans votre émission. Ça va vous changer de la bande FM. Les chroniques du Crack. Chevalier Hector de Maris.

Bienvenue dans ces chroniques du crack numéro 5. Côté musique, je vous ai d'abord diffusé Dies Irae, l'hymne saisissant qu'on chante à la messe traditionnelle lors des obsèques, mais sur une musique de Carl Jenkins. Dies Irae, extrait de l'album Requiem de Carl. Alors vous me direz ce que vous voulez, mais moi j'entends des influences musicales classiques à ce compositeur actuel, Karl Orff, Edvard Grieg, tous ces artistes de génie dont on raffole dans les chroniques. À la suite du saisissant Dies Irae de Carl Jenkins, je vous ai passé la chanson Vive le roi, le cri de guerre immortel, vous le savez, des Vendéens et des Chouans, mais un tube de Didier Barbelivien. On l'a un peu moins entendu à la radio après, c'est pas de mystère. Ça leur a causé une commotion aux programmateurs radio, le chanteur aux 1000 chansons, l'une des gloires du top 50, celui qui avait composé pour Gérard Lenormand et dont les chansons étaient reprises par Hervé Villard, Céline Dion, Johnny, Sardou, Dalida, etc. Barbelivien chantant une chanson royaliste. Mais enfin, pour être cultivé, il faut être de gauche, et de préférence marxiste, c'est bien connu. La droite n'engendre que des bêtes immondes. Quand on est de gauche, on est évolué, progressiste. Quand on est un facho, on sait à peine lire. Lorsque le général Franco a publié son livre sur la franc-maçonnerie, un livre récemment réédité aux éditions Saint-Rémy, cela dit en passant, ça a dû surprendre beaucoup de personnes, à mon avis. De gauche, essentiellement. Veuillez vous rendre maintenant, enfin maintenant ou dès que possible, sur les réseaux sociaux qui proposent des vidéos musicales. Vous entendrez des extraits d'une comédie musicale de Didier Barbelivien qui aurait dû être jouée en France en 2015, dans toute la France, mais dont le projet a été ajourné. Cette œuvre musicale se nommait Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge, dont le narrateur est Stéphane Bern. Aurait dû être Stéphane Bern, qui aurait dû être chanté par la jeune génération actuelle, Michael Miro, Slimane, avec Barbelivien dans le rôle du chevalier de Maison Rouge. Elle raconte cette comédie musicale, les derniers mois de la reine au temple et la vie d'un groupe de royalistes à la suite du chevalier de Maison Rouge décidé à la sauver. Hélas, comme l'histoire la raconte, leur projet n'aboutira pas. Le personnage romanesque de Maison Rouge a d'ailleurs été inspiré à Dumas par l'histoire étonnante et vraie du fameux chevalier de Rougeville qui tenta de sauver la reine. Bienvenue dans ces chroniques qui veulent être une fenêtre ouverte pour aérer notre pièce hexagonale, empuantie par les basses œuvres et les idées révolutionnaires de notre triste époque. N'hésitez pas à manifester votre satisfaction par des pouces levés sous la vidéo, c'est important. Et vous pouvez m'écrire à l'adresse électronique de l'émission chronique du crack tout attaché @proton.me. Chronique du crack @proton.me. Allez les héros d'armes, annoncez la gifle d'or. L'or, c'est très beau, c'est merveilleux, l'or, on a tous envie d'or, mais gifler avec un lingot d'or, ça fait mal. La gifle d'or, vous le savez, c'est la contre-récompense qui est décernée à l'anti-France, celle des artistes de la contre-politique et de la contre-culture. Alors je vais exactement décerner deux gifles d'or. Une petite précision d'abord, depuis le début de ces chroniques, vous avez remarqué que je suis très remonté contre la République. Pourquoi ? Mais si je puis me permettre, pourquoi demander pourquoi ? Ça semble évident que la République est mauvaise pour la santé publique. L'histoire nous le rappelle. Il y a un peu plus d'un mois, le 21 janvier dernier, on a commémoré le massacre légal de Louis XVI en 1793. Depuis cette date, ça a été une litanie de crimes ignobles, même avant cette date, hein, entre 1789 et 1793, bonjour. Il ne faut pas dissocier la révolution avec la terreur, c'est la même chose, simplement la terreur est la conséquence de la révolution. Depuis donc cette date, ça a été une litanie de crimes ignobles, et mes excuses, mais ça continue maintenant sous une forme différente, plus de 200 ans après. On ne fusille plus, mais on ruine. On ruine les gens. C'est particulièrement frappant depuis le début de la décennie 2020, par exemple. Répression féroce des gilets jaunes qui éborgna et mutila des braves gens. Confinement qui provoqua la ruine du petit commerce. Fermeture obligatoire des restaurants. Mise à la rue des soignants non vaccinés. Politique agricole de préférence non française qui ruine nos amis paysans et les pousse à bloquer les routes. Les poussa à bloquer les routes en janvier dernier. Donc c'est dit, hein. Les chroniques sont solidaires de la classe paysanne qui nourrit la France. Faut pas l'oublier, hein. Ce sont eux qui nous nourrissent. Oui, la plupart, enfin, énormément, hein. On n'a même pas un SMIC pour survivre, après avoir payé toutes leurs taxes. Depuis des décennies, nos amis agriculteurs réclament une aide financière efficace de la part de l'État, la mise en valeur du patrimoine agricole français et la fin d'une préférence européenne en direction de producteurs non français. Parlons d'autre chose, mais c'est un petit peu la même chose. Comme j'avais apporté mon soutien à Civitas France, YouTube a supprimé la vidéo des chroniques numéro 4, mais elles existent toujours sur Odyssée. Merci à eux. C'est une manie chez les marxistes de croire qu'ils peuvent dissoudre un groupe quand ils en suppriment seulement l'existence administrative. Peut-on dissoudre un mouvement catholique en France ? Bien sûr que non. Soit vous biffez son inscription en préfecture et il réapparaîtra sous un autre nom, tant mieux. Soit vous massacrez les catholiques comme ça s'est fait dans le passé et ça fera de la semence de chrétiens pour une résurrection de la foi. Mais nous ne sommes pas là. Regardez l'histoire. À partir de 1560, les calvinistes prétendaient détruire le catholicisme en France. Il y a eu par exemple en 1567 le massacre des catholiques de Nîmes. En 1629, moins d'un siècle plus tard, Louis XIII mettra un point final à la menace causée par l'hérésie avec la prise de La Rochelle. Retour à la musique. Depuis les dernières chroniques, celle du 2 décembre 2023, je vous avais fait découvrir le groupe néo-médiéval bien sympathique La Rioule des Compagnons du Monde avec leur chanson La Denrée. Voici une autre de leurs compositions qui nous parle des plaisirs de l'existence. Attends ! Je dédicace cette chanson à mon aimable et chère épouse qui compose toujours de bons plats d'ailleurs. Il existe des médias de déformation qui nous enchaînent. 19 ans de prison supplémentaire pour Alexeï Navalny. Les putschistes de Niamey dénoncent des accords de coopération avec Paris, Limoges. Et il existe des médias d'information qui brisent nos chaînes. Les chroniques du crack.

La chevalerie est une institution d'église. Alors bien sûr, je parle de la véritable église, hein, et non pas l'église occupée par la secte maçonnique. Alors, dans quelle mesure l'église du Christ, qui prêchait le détachement, se mêle-t-elle de politique? Dans quelle mesure donc l'église du Christ du détachement se mêle d'ancrer tout son être, si j'ose dire, dans le réel, dans le temporel, à trois étages en dessous? Est-ce que c'est son rôle? Eh bien oui, Jésus répondit à Pilate, « Tu l'as dit, je suis roi ». Donc, la royauté du chef de l'église est une réalité. On a vu les fois précédentes des notions que je vais me permettre de rappeler rapidement. D'abord, le Christ est roi par nature, en tant que Dieu véritable, et par conquête en tant qu'homme véritable, par la victoire de la croix qui a mis fin à l'empire du démon et a obtenu le salut aux hommes. Et comme les hommes ont été sauvés par Jésus, les hommes lui doivent un culte particulier, défendu et codifié par la Sainte Église. Deuxièmement, les sociétés humaines doivent un culte à Dieu. En effet, la société humaine n'est pas un amas, une forme de consommateurs, mais un ensemble organique de personnes et non d'individus interchangeables. Et tout comme le Christ est roi des personnes, eh bien, il est le roi des sociétés, familles, clans, associations, villages, villes, pays, etc. De là vient la doctrine politique et sociale de l'Église ou doctrine du Christ roi que nous allons continuer de voir. Et tout d'abord, le droit divin qui fait s'étrangler les gauchistes et les chrétiens modernistes. Pourquoi je dis les gauchistes et les chrétiens modernistes? Je devrais dire les gauchistes et parmi eux les chrétiens modernistes. Bon, je referme la parenthèse. Cette notion de droit divin n'est pas réservée au roi de France de par son sacre. Elle concerne tous les chefs de toutes les communautés humaines. Les rédactions gauchistes caricaturent à l'occasion le droit divin parce qu'elles sont en présence d'une affirmation solennelle de l'autorité politique. Elle est là la véritable raison. Or, nous assistons à une crise de l'autorité actuellement qui trouve son origine dans le meurtre du père, c'est-à-dire l'assassinat de Louis XVI que nous avons commémoré il n'y a pas si longtemps que cela. C'est Renan qui écrivait tout de même une phrase très juste. Il écrivait « Le jour où la France coupa la tête à son roi, elle commit un suicide ». Oui, un suicide, car c'est toute l'autorité des chefs qui est remise en question par ce 21 janvier 1793. Ça produit cette société féminisée, qui est la nôtre, où les femmes prennent la place des hommes et où les hommes rêvent d'être femmes. J'ai lu un article d'un magazine de mode, j'ai vu cet article dans lequel on y parle de ces hommes qui rêvent d'enfanter, des hommes qui rêvent d'enfanter. Plus généralement, nous avons les problèmes actuels de genre comme ils disent, avec lesquels ils empoisonnent la vie scolaire de nos chers petits qui, entre parenthèses, sont à l'école pour autre chose tout de même. Dans de nombreuses sociétés commerciales, on abolit la hiérarchie, dans les salutations, on abolit la hiérarchie, mais pas sur la fiche de paye. On abolit la hiérarchie avec un patron qui exige que ses subalternes le tutoient. Récemment, dans l'Église, le synode sur la synodalité, cette nouvelle grotesque plaisanterie de François qui entend donner une autorité épiscopale à des laïcs qui ne sont même pas prêtres par définition. Le droit divin est une notion éminemment traditionnelle. Elle se fonde sur cette sentence de Saint-Pierre qui, dans son épître aux Romains, écrit ceci aux fidèles de l'Église de Rome « Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu ». Même si le peuple est appelé à choisir ses représentants et ses chefs, le peuple peut donner un mandat, il ne peut conférer une autorité. C'est ce qu'on appelle le droit divin, qui peut éventuellement être sanctionné par le sacre royal ou impérial. Parlons concrètement, le peuple est appelé à élire le président de la République. Eh bien, il élit un homme qui va exercer un mandat présidentiel. Mais cette autorité du président, il ne la tire pas du peuple. Le Christ le précise bien à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir » s'il ne t'avait été donné d'en haut. Cela, les doctrinaires de la contre-révolution, comme Blanc de Saint-Bonnet, Bonald ou Demestre et d'autres encore, ont maintes fois rappelé que l'expression « peuple souverain » est mensongère, car elle abuse le peuple, qui se sent pousser des ailes à chaque élection d'ailleurs. L'État doit donc reconnaître qu'il tient son autorité de Dieu, c'est pourquoi le roi ou le chef de l'État n'est que le lieutenant du Christ roi, qui lui seul est l'autorité. Tout chef est le vassal du Christ roi, qu'il devra rendre compte à sa mort de la bonne gestion de son gouvernement. De tout ceci, que faut-il retenir? Ceci, un chef élu exerce un pouvoir ou une autorité qui lui est conférée d'en haut. Il exerce la dite autorité, mais il n'en est pas l'origine de l'autorité. Cette simple affirmation détruit donc la construction démocratique orgueilleuse du peuple prétendument souverain. Nous verrons dans la prochaine émission les notions de législation catholique et de religion d'État. Mais revenons à la musique. Dans l'antre du vieux de la montagne, Les assassins de la secte fourbissent leurs armes pour tenter d'assassiner le nouveau roi de Jérusalem qui entend exercer son autorité pour soumettre les rois musulmans locaux dans l'antre du roi de la montagne. L'un des moments les plus épiques de la symphonie Peer Gynt de l'illustrissime Edvard Grieg. Ça vous montrait à quel point je l'aime bien ce gars-là. Profitez, vous êtes dans les chroniques du crack. Ce voyage en Chine communiste. Oh, des policiers partout, hein. Ah ben comme ça, on est bien protégé. Des caméras à reconnaissance faciale dans toutes les rues. Moi, j'ai accepté, contraint et forcé, d'installer une caméra dans ma douche. De toute façon, j'ai rien à cacher sous ma douche. Et puis, c'est la coutume là-bas. Ah oui, en tout cas, on est plus libre en France. En France, on est plus libre. Hein. Mais 68, tu te souviens, il est interdit d'interdire. Chez nous, c'est la liberté d'expression. Ah, je suis d'accord. Ah bon, je te laisse. Je dois aller signer la pétition des enfants de Robespierre pour le droit à la liberté de l'interdiction et pour la dissolution de tout ce qui n'a pas encore été dissous. Ouvrez un bon livre d'histoire contre-révolutionnaire et laissez entrer l'air les chroniques du crack. Au pays des idées toutes faites, il y a des snipers embusqués qui te flinguent à coups d'étiquette, qui te privent du droit d'exister. Si tu protestes, si tu résistes, si tu restes en dehors du rang, tu finis sur la blacklist, jeté dans la fosse aux serpents. Je suis pas politiquement correct, j'ai pas changé, je suis direct. Ce que je pense, je l'écris, je le dis, m'arrive de le chanter aussi. Sans exprimer le moindre doute. Ces mandarins de la pensée ont défini une fois pour toutes la place du bien et du vrai. Ils ont la morale subjective. Faut pas toucher à leurs amis. Ils ont la mémoire sélective. Le passé gênant, ils l'oublient. Pas politiquement correct. J'ai pas changé. Je suis direct. Ce que je pense, je l'écris, je le dis. M'arrive de le chanter aussi. Rien dire sans s'attirer leur foudre, qu'ils brandissent à plaisir pour nous réduire en poudre. Ils sont prêts à bondir au moindre mot suspect et partent en délire dès qu'il est prononcé. Je suis pas politiquement correct. Je vais pas changer, je suis direct. Ce que je pense, je l'écris, je le dis. M'arrive de le chanter aussi. Même l'histoire de France est passée au tamis. Faut crier repentance si on ne veut pas d'ennui. Ils essaient d'imposer leurs idées dogmatiques. Il y a de quoi flipper s'ils les mettent en pratique. Je suis pas politiquement correct. J'ai pas changé, je suis direct. Ce que je pense, je l'écris, je le dis. M'arrive de le chanter aussi. Aussi, aussi. Je suis pas politiquement correct. J'ai pas changé, je suis direct. Ce que je pense, je l'écris, je le dis. M'arrive de le chanter aussi. Aussi. Aussi. Aussi. Pas politiquement correct, moi non plus. Une chanson du chanteur-compositeur-interprète français Jean Pax Mefric, à 79 ans, et je dirais même un de nos derniers grands français, puisque toute sa vie a été marquée par l'engagement politique au service de la France. En particulier, toute cette colère légitime au souvenir d'un certain chef d'État qui, après avoir crié « je vous ai compris », a lâché une partie de la population française qui sera massacrée par les partisans fellouses de l'époque. Parlons aussi des indigènes de l'honneur français, ces harkis, que la France, pardon, la République, ne protégea pas. Certains politiques aveuglés ont fait de De Gaulle un monarque. Monarque républicain, peut-être, mais roi chevalier, certes pas. Un chevalier digne de ce nom ne serait pas ainsi engagé dans la voie d'un chef d'État digne de ce nom. ne serait pas ainsi engagé dans la voie du parjure. Lorsque l'on promet certaines choses graves, et qu'on les renie, et qu'on combat ses propres frères même, on reste peut-être chevalier, mais au passage on a sali ses armes, on a sali son blason. Or, toute la vie du chevalier repose sur l'honneur et le respect de la foi jurée. Alors, je vais m'apesantir avec vous un peu sur le caractère d'une vie chevaleresque. On va rêver un peu, ou plutôt non, on va pas rêver. On aura les deux pieds dans le réel. Parlons donc de quelques faits qui font le chevalier. Vous vous en doutez, la chevalerie est une école de perfection au service des laïcs qui souhaitent non se sanctifier, comme des religieux au sens strict, mais mettre leurs bras armés au service de la Sainte Église et de la cité, être la force armée au service de la vérité des armées. La chevalerie propose aux laïcs chrétiens, par son engagement, de se sanctifier dans son devoir d'État, dans le combat, en quelque sorte. De se sanctifier dans sa fonction spécifique, l'action temporelle, ou action sociale et politique. La chrétienté se compose traditionnellement de deux grands ordres. L'ordre ecclésiastique, qui se consacre à une œuvre spirituelle, liturgique, apostolique, et l'ordre temporel, qui est l'action politique. La chevalerie consacre cette action politique. Se sanctifier en œuvrant pour la chrétienté, c'est le propre de la chevalerie. Certains me diront « j'ai un bon travail ». Et oui, et grâce à ce bon travail, j'ai une bonne famille. Mes enfants, oui, sont des catholiques exemplaires. Alors bravo, parce que ça, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout actuellement. Ma famille, continuera la personne, continuera en disant « ma famille, c'est une chevalerie, elle, toute seule ». Ah ? Ah oui, oui, monsieur, nous sommes des catholiques pratiquants qui allons tous les dimanches à la chapelle Saint-Marcel Ier de la fraternité sacerdotale Saint-Pie V. Je suis un bon père de famille, qui transmet à mes garçons le bon savoir-vivre et la tradition du métier bien fait. Ah, oui, monsieur, vous avez beau dire avec vos airs, là, mais en plus on fait un peu d'entraînement de survie. Comme par exemple gonfler rapidement le matelas pneumatique à 3h du matin sous la tente sans gonfleur électrique. Eh bien, je suis navré, mais la chevalerie, ce n'est pas ça. Plus exactement, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas être avant tout un bon père de famille qui transmettrait son expérience à ses enfants. Pensez au Moyen-Âge. Pensez-vous que le bon chevalier restait dans son donjon à s'occuper de l'éducation de ses enfants, de sa basse-cour et de ses fermes ? C'est vrai que le bon chevalier célibataire doit commencer par être un bon chrétien. C'est vrai que le bon chevalier marié, père de famille, doit commencer par être ce bon père de famille qui fait le rayonnement de l'Église militante. Mais je dis bien militante, le terme désigne le fidèle vivant qui lutte tous les jours contre le péché. Mais militant vient d'abord de miles, qui désigne le chevalier. Être un bon père de famille, c'est le devoir de tout catholique. Bon, le chevalier fait quelque chose en plus. La règle des chevaliers de Notre-Dame précise que le chevalier a fait le vœu de combattre jusqu'au sang pour la défense de l'Église et le règne politique et social du Christ-Roi. C'est le troisième et dernier vœu privé que le futur chevalier professera sur le Saint-Évangile avant d'être adoubé. Son caractère très spécial, ce chevalier, aux grandes époques épiques de la foi, c'est de quitter le domaine familial en répondant à l'appel de son suzerain qui lui demande de commander ou de servir dans son armée, son host, comme on disait. On pouvait le voir aussi prendre la croix pour encadrer militairement le pèlerinage armé, la croisade, vers Saint-Jacques de Compostelle en Espagne ou Jérusalem en Palestine. Réfléchissez bien si d'aventure vous envisagez la chevalerie. Celui qui préfère au combat le cadre, certes responsabilisant mais confortable de la vie de famille, montre qu'il n'a pas vraiment compris toute la vocation chevaleresque. Aux premières croisades, on se battait sur un destrier caparaçonné avec un haubert, une lance et une épée. À l'épante, les chevaliers de Malte étaient marins et chevauchaient des galères. Aujourd'hui, le combat est avant tout doctrinal et spirituel. Je dis bien avant tout. C'est pourquoi il nous faut suivre l'entraînement adapté à ce nouveau style de combat sans se dispenser de l'activité physique adaptée à son âge et à sa condition. Les chroniques du Krak. Chevalier Hector de Maris. Je vous parlais des chevaliers de Malte. Eh bien justement, je vais évoquer pour vous ces notions d'ordre militaire. On parle de chevalerie et d'ordre de chevalerie un peu comme on parle de religion et d'ordre de religion. La chevalerie est une institution créée par l'Église sur des traditions militaires millénaires pour le service, la promotion et la défense de la chrétienté. Un ordre de chevalerie est l'ensemble des membres qui militent sous une même règle et sous un même chef, conformément aux fins ancestrales de la chevalerie. On connaît des ordres de chevalerie religieux, des ordres laïques et même des ordres mixtes. L'ordre du temple, de l'hôpital, de Saint-Lazare, de Calatrava, les Teutoniques, c'était des ordres religieux. Comme n'importe quelle religion en habit, ces chevaliers prononçaient des vœux de religion. D'autres ordres étaient formés de séculiers, c'est-à-dire formés de laïcs mariés, tels les chevaliers du Christ de Saint-Dominique, la fameuse Militia Christi, formée de séculiers de leurs épouses, qui sera à l'origine du tiers-ordre dominicain. D'autres étaient des ordres de chevalerie mixtes. Ils comportaient des chevaliers strictement religieux et des chevaliers séculiers mariés avec leurs épouses dames de l'ordre, comme s'ils comportaient aussi des chanoines et des moniales. C'était le cas pour les chevaliers de l'ordre de Santiago ou ordre de Saint-Jacques de l'Épée. Les chevaliers de Notre-Dame, ce sont des laïcs, mariés ou non, qui n'émettent que des vœux privés et non des vœux de religion. Une chanson de croisade, mes seigneurs, maintenant dans les chroniques du crack. Janus uns pris, c'est une chanson composée en vieux François, vous vous en doutez, par un prince anglais de culture française, le roi Richard Cœur de Lion. Il en écrivit le texte et la musique, ce roi paladin, durant sa captivité entre 1192 et 1194. Il avait été fait prisonnier au retour de la troisième croisade par le duc Léopold de V de Babenberg, qu'il avait copieusement insulté durant la croisade. La chanson est un appel à l'aide pour qu'on paie la rançon fixée par le Saint-Empire romain germanique, soit 150 000 marques d'argent afin de délivrer le roi Richard. Et la somme sera réunie par la mère du roi Troubadour, Aliénor d'Aquitaine. Et ainsi, Richard rentrera en Angleterre. La chanson évoque la tristesse que ressent le prisonnier ainsi que son appel à l'aide pour qu'on vienne le libérer. Elle est ici interprétée par le trouvère officiel des Chroniques du Crack, Luc Arbogast. Et la chanson du roi Richard est extraite de l'album Oriflamme, un disque Mercury. Thank you. le cœur d'Oyon. Calme et silence net ma terre en tourment. Silence m'embrasse de notre soirement. Quand la vie m'ennuie comme je sais de voir que j'attends longuement, ne serai pas pris. Je ne celle de Chartres, l'âme est loin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Où sont les poulards? J'ai faim! Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poirés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Les chroniques du crack. Ce n'est pas parce que l'histoire est une discipline grave qu'elle doit être austère. Les chroniques du crack. Pas vu à la télé. Ce matin, la police est intervenue à la demande de l'évêque pour déloger de la cathédrale un groupe de catholiques qui récitaient le rosaire. Un auteur de bande dessinée a réalisé un album qui a reçu le premier prix du festival de bande dessinée pour la jeunesse. Vu à la télé. Ce matin, la police est intervenue à la demande de l'évêque pour déloger un groupuscule intégriste qui perturbait la tranquillité du lieu. Faut-il imposer une assignation à résidence avec surveillance électronique à certains auteurs de bandes dessinées? Un membre de Civitas a réalisé un album de BD dangereux pour le sens critique de nos jeunes. Notre rédaction alerte sur le danger de l'infiltration de l'extrême droite dans la culture. Les chroniques du crack. Les chroniques du crack alertent sur les dangers de la consommation excessive de télévision. Brisez vos chaînes, libérez votre esprit. Les chroniques du crack. Chevalier Hector de Maris. De Vétus, des sans joie, fa et la la, croulera demain devant notre foi, fa et la la, et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des lances canées, et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours. Que nous font insulter Orion, fa et la la. Un jour viendra où les traîtres paieront, fa et la la. Qu'ils freinent donc s'ils osent notre ascension grandiose. Que rythme les hauts tambours des lances guenées. Qu'ils freinent donc s'ils osent notre ascension grandiose. Que rythme les hauts tambours des lance-canets. Nous luttons pour notre idéal, fa-et-la-la. Pour un ordre nouveau et impérial, fa-et-la-la. Et à l'heure dernière, nous quitterons la terre au rythme des hauts tambours des lance-canets. Et à l'heure dernière, nous quitterons la terre au rythme des hauts tambours des lance-canets. Erga, une charmante brunette. Je salue ici la relève du chant identitaire féminin après l'aventure des brigandes. Erga, qui est une chanteuse qui remet à l'honneur nos chants traditionnels. Bravo madame. Je vous recommande son dernier album, L'âge d'or, sorti aux éditions musicales Terre de France. Pour le commander, terredefrance.fr. Ceci est une publicité gratuite, bien évidemment. Ben oui, je vous passe à Erga, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut répondre fermement, je pense, aux chrétiens modernistes qui ne savent que céder leurs églises aux infidèles. Dans quel sens, on peut se demander dans quel sens ils sont encore chrétiens. Dernièrement, un musulman a obtenu la permission du prêtre pour faire ses prières à haute voix durant la messe, et nul fidèle n'a protesté, bien sûr. Le prêtre a parlé, la cause est entendue. Oui, mais là, nous ne sommes plus au temps héroïque où les ennemis de la foi catholique auraient reçu des chrétiens le salaire que leur aurait mérité leur culot. Alors justement, dans une série de 11 émissions, justement, je vais donc parler justement des grandes, et j'espère le plus juste possible, des grandes victoires de la chrétienté. Pour cette série de 11 émissions, je ne suivrai pas un ordre chronologique. Ce sera une balade historique qui ira au gré de mes envies entre la victoire du pont Milvius en 312 et celle de Peter Varadine en 1717. Je me servirai pour l'essentiel de cette étude du très beau livre de Ferdinand Hervé Bazin, Les grandes journées de la chrétienté, paru chez Edelis, et d'une des plaquettes de novembre dernier de la collection à la plume du foyer, éditée par les terminales du foyer Saint-Thomas d'Aquin à Avrier. Un cri, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, a été poussé par toute l'armée catholique européenne lorsque Vienne, un siècle après la victoire de Lépante, a été débarrassée de la menace des soldats de Kara Mustafa. Mais si ce garrot efficace a effectivement été placé pour guérir le membre autrichien de la chrétienté, une autre plaie ne se refermera jamais. C'est la blessure faite au cœur de la Sainte Église par son fils aîné, le roi de France. Louis XIV avait pactisé avec les Turcs. Le roi Soleil n'avait pas envoyé ses légions au secours de l'Autriche. La raison ? Il voulait abaisser la puissance de la maison de Habsbourg, comme le fit avant, tenta de le faire avant lui, François Ier. Le grand vizir rêvait donc de fonder une nouvelle Turquie sur les cendres de l'Empire chrétien, avec Vienne pour capitale, bien entendu. Il faut dire que la chrétienté tremblait parce que depuis 1669, la ville de Candie était déjà tombée sous l'Empire du Croissant. Mais le dieu des victoires avait déjà tout prévu en la personne d'un grand pape, Innocent XI, et un héros, Jean III Sobieski, surnommé le mur de la chrétienté. Un mur, c'est fait pour qu'on s'écrase dessus, hein. Et Kara Mustafa va s'y casser le nez. Depuis Rome, le pape envoie ses courriers dans toute la chrétienté pour exiger la récitation quotidienne du Très-Saint-Rosaire. Qui était Sobieski ? Eh bien, c'était une légende vivante. Sur le passage de son cheval, les paysans élevaient leurs jeunes garçons à hauteur de la selle pour leur faire admirer ce géant. Il était comparable, à mon avis, à mon sens, à d'autres légendes de la guerre. Le général américain sudiste Jackson, surnommé Stonewall, la muraille de pierre. Ou encore chez nous, le chevalier Bayard ou le connétable du Guesclin. C'était le guerrier inaccessible au découragement. Guerre contre les Cosaques alliés des Tartares de Crimée, guerre contre les partisans de l'usurpateur le prince Charles Gustave de Suède, guerre avec les Russes et les Cosaques. La victoire d'ailleurs de Jean Sobieski sur les Cosaques en 1667 à Podache fit de lui le premier personnage de la Pologne. À Podache, il fut vainqueur avec seulement 9000 soldats. En face, les Cosaques étaient 35 000. Ceci explique son élection par la noblesse unanime comme roi de Pologne le 26 mai 1674. À Jouravno, en 1676, le nouveau roi a tenu tête à 200 000 guerriers turcs avec seulement 10 000 soldats. Le 28 juin 1683, les 300 000 Turcs de Kara Mustafa entrent en Autriche. Le pape implore Sobieski de prendre la tête de la croisade. La Pologne scelle une alliance militaire avec l'empereur Léopold d'Allemagne, avec la Suède, et le roi obtient même des cavaliers et des fantassins en Ukraine. Nous sommes le 7 juillet 1683, les cavaliers turcs arrivent dans la plaine, non loin de la capitale autrichienne. La panique est totale chez les Viennois qui redoublent d'efforts pour fortifier la ville. Chargé par l'empereur de défendre la ville, le général comte de Starnberg fait de son mieux avec les quelques milliers de volontaires à sa disposition. Parce que les fortifications de la ville sont vétustes à faire peur. Un peu de musique avant d'en venir au siège de Vienne directement. On va apprendre d'ailleurs pourquoi l'art des pâtissiers se nomme la viennoiserie. Thomas Bergenson a composé une musique magnifique pour le cinéma. Heart of Courage, cœur de courage, cœur de lion, comme le roi Richard Ier et comme Jean III Sobieski. Vienne en Autriche est établie sur la rive droite du Danube et protégée au nord et à l'ouest par les massifs du Kahlenberg. Le siège de la capitale par les Turcs commence le 14 juillet. Monsieur Bazin écrit « On célèbre encore chaque année, à Pechteldorf, un souvenir funèbre en souvenir de la mort de 3800 habitants traîtreusement égorgés malgré la promesse donnée par le vizir. Plus de 40 000 personnes avaient été réduites en esclavage et emmenées à Andrinople. La ville donc est encerclée par plus de 300 000 combattants. Innocent XI prêchait la croisade auprès des princes chrétiens. L'Europe comprenait que Vienne était le verrou et qu'il ne devait pas sauter. Toute la noblesse des cours européennes, et c'est tout à leur honneur, voulut voler au secours de Vienne, y compris la noblesse française qui était hélas enchaînée par son roi. Dans cette histoire, la conduite de Louis XIV, furieux de voir l'Europe ne pas lui obéir et préférer l'obéissance au pape, sa conduite sera indigne d'un dieu donné. Vous savez que c'est le prénom de Louis XIV, dieu donné. Non seulement le roi de France n'apportera aucun secours à Vienne, mais il donne l'ordre de bombarder Bruxelles qui avait le projet de voler au secours de Vienne. À partir de ce moment-là, écrit M. Bazin, Dieu cessa de tourner ses regards vers la France et la décadence commença. On évoque, enfin on pense à la franc-maçonnerie sous Louis XV, puis on pense aussi à 1789. Finalement, cette maudite révolution, ce ne sera que 106 ans plus tard. Pour la petite histoire, la population de Bruxelles sera miraculeusement protégée par Saint-Michel, archange, et en mémoire de cela, les brasseurs belges apposeront l'image du Saint-Archange sur les étiquettes de leurs bouteilles. Le 16 juillet 1683, le vizir somme Starenberg de capituler. Une de ses sorties venait d'être repoussée. L'officier refuse et le bombardement de la ville commence. Le 7 août, l'assaillant est sous les murailles. Sobieski, en bon chevalier de Notre-Dame, écrit ceci au pape. « Très saint père, en ce jour, jour de l'Assomption de la Vierge, je monte à cheval pour aller au combat sacré. Et avec l'aide de Dieu, je vais rendre à Vienne sa liberté. J'offre volontiers ma personne, ma vie, ma tendresse pour les miens au salut de notre cause, assuré que je suis que les bénédictions de votre sainteté me suivront dans les combats où je vais pour la gloire de la croix et la conservation de la chrétienté. » Je suis obligé de passer sur tous les événements guerriers de cet épisode, de cette formidable bataille, vous le comprenez bien, sinon il me faudrait une heure de plus. Starenberg, alors que Starenberg était proche d'être submergé, ses hommes et lui, et la ville avec, le samedi 11 septembre 1683, au soir, les guetteurs de Vienne donnent l'alarme. Une immense lueur apparaît sur les hauteurs. C'est le signal convenu. Et la cloche nommée Angoisse sera renommée justement Espérance, et sonnera toute la nuit. Au matin de ce 12 septembre 1683, l'armée polonaise de Jean Sobieski apparaît sur les hauteurs du Kahlenberg. 30 000 cavaliers, dont les hussards polonais redoutés des cavaliers turcs, et 30 000 fantassins, saxons et bavarois. L'armée était passée par les champs et les bois, là où Kara Mustafa ne les attendait pas parce que le terrain était trop accidenté pour les chevaux. C'est justement la difficulté que recherchait Sobieski. Première leçon, oser, quand tout semble perdu. La bataille est foudroyante. Les Turcs épouvantés voient débouler sur eux des anges cuirassés qui les sabrent. Il s'agit en fait de la cavalerie des hussards ou housards, avec Jean Sobieski à sa tête. Il faut dire que cette cavalerie était la meilleure d'Europe à cette époque. Le hussard, il est protégé par une armure légère et souple, à bande ou à écailles et un casque. Le hussard était un lancier qui chargeait avec la copia une lance longue de 4 voire 5 mètres. C'était d'ailleurs ce genre qui, dans l'Antiquité, en Grèce, équipait les Spartiates. Une fois la lance brisée, le cavalier sabrait l'ennemi avec un sabre spécial perceur d'armure. Enfin, il y avait deux grandes ailes de bois recouvertes de cuivre, et chargé de longues plumes d'aigle et d'oie qui permettaient à la cuirasse et au casque des hussards d'être protégés contre les coups de cimetière turque qui glissaient sur les plumes, évidemment. L'effet était aussi psychologique parce que le bruit de ses ailes vibrait, les ailes vibraient, faisaient un bruit formidable lors de la charge et ça épouvantait les chevaux de l'ennemi. En quelques heures, les Polonais sont victorieux. Le camp ennemi est dévasté et Kara Mustafa aura de la peine à s'enfuir. Laissez-moi donc vous livrer deux anecdotes. Pour commémorer leur délivrance, les pâtissiers de Vienne ont donc réalisé de succulentes pâtisseries en forme de croissant, et le métier a été appelé viennoiserie. Seconde anecdote, je vous signale enfin que l'actrice Lily Sobieski, qui incarna magnifiquement Sainte-Jeanne d'Arc dans un téléfilm réalisé par Christian Duguay, que je vous recommande, paru en 1999, eh bien Lily Sobieski, vous vous en doutez, c'est la descendante directe de Jean III. La grande leçon que nous a offert Jean III Sobieski, roi de Pologne, est celle-ci. Lui qui a mené 12 campagnes militaires victorieuses contre l'envahisseur musulman, en ces temps de crise terrible, il nous engage à ne jamais désespérer et à nous préparer, nous aussi, à être des murs pour protéger nos familles et pourquoi pas la chrétienté elle-même. En 1793, en Vendée militaire, les colonnes infernales arrivaient sur les villages avec des torches enflammées et des fusils. Jean Pax Meffray, le chanteur pied noir de l'honneur français qu'on retrouve ici, se souvient. Ensuite, je vous passerai un des tubes country les plus célèbres outre-Atlantique de Mère Lagarde. Vous le savez sûrement, la musique country traditionnelle, qui se dit d'ailleurs texane ou appalachienne avant de se dire américaine, est la musique de l'enracinement culturel. Bien sûr qu'elle raconte les misères humaines comme l'alcoolisme et la prostitution, mais elle chante aussi Dieu et la patrie. On est à majorité catholique dans les États américains du Sud-Ouest, si proche du Mexique. C'est pourquoi je suis heureux de l'introduire, Merle Haggard, dans ses chroniques du crack, qui courageusement avait créé la polémique en 1969, c'était à l'époque hippie, avec cette chanson « Okie from Muskogee ». Pour la petite histoire de la chanson, il a raconté qu'il connaît un petit village de l'Oklahoma, Muskogee, et qu'il a été frappé par la très bonne moralité des gens de ce pays. Pas de drogue, pas de violence, le respect partout. Vous allez entendre qu'il chante être un Okie, citoyen d'Oklahoma, un Okie d'adoption, un Okie de Muskogee, et que chez lui, on ne veut pas voir ni de hippie, ni de LSD, et qu'on préfère disputer une partie de baseball plutôt que faire un sitting sur les campus d'université en fumant des joints. Avec cette chanson Okie from Muskogee, Merle Haggard a longtemps été traité de facho, bien sûr, par la gauche progressiste américaine. Ce n'est pas grave. Laissant les chiens de garde de la révolution okiste et néo-hippie hurler, la caravane passe. Bienvenue au club, d'ailleurs, Mr. Haggard. Quel club ? Les chroniques du crack. Mais tout de suite, Jean Pax, avant de retrouver Malaga. Au bout du chemin de terre qui conduit au presbytère, ils ont tué notre abbé. Les soldats de Robespierre font la chasse aux réfractaires. Ils ont la mort au poignet. Déjà dans tout le bocage, les gens quittent leur village pour lever la grande armée. Les paysans en sabots, les aristos en jabot, des milliers de gars sont prêts. Ce n'est pas joli la guerre, mais il faut parfois la faire lorsque l'on est agressé. C'est pourquoi Dieu nous soutienne, notre premier requiem est pour les morts de Vendée. Nous portons sur nos poitrines la foi de notre origine, le cœur sacré de Jésus. Toutes les valeurs chrétiennes coule toujours dans nos veines, notre Seigneur l'a voulu. Nous ne souhaitions pas la guerre, simplement faire nos prières, sans avoir à nous cacher. C'est pourquoi Dieu en témoigne, nous luttions contre la montagne pendant les guerres de Vendée. Ils ont massacré nos frères, ils ont éventré nos mères, ils ont brûlé nos enfants. Ils rêvaient de nous détruire, ils ont failli réussir, et personne ne s'en repent. Sur le grand éphéméride, l'auteur du populicide n'a pas payé pour ce sang. C'est pourquoi Dieu nous pardonne si nous condamnons cet homme devant le grand monument. Parfois, lors d'une nuit forte, des ombres frappent à notre porte. Elles ont les noms des héros. C'est pourquoi Dieu nous comprenne. Il arrive que notre cœur saigne au souvenir de Catelino. Jacques Catelino, Antoine de la Trémoille, Henri de la Roche-Jacquelin, Maurice Delbey, Louis de Lescure, Charles Artus de Bonchamp, Jean Chouan, Georges Cadoudal, Jean-Nicolas Stofflet, François Charette de la Contrie. Nous ne souhaitions pas la guerre, simplement faire nos prières, sans avoir à nous cacher. C'est pourquoi Dieu nous soutienne, notre premier requiem est pour les morts de Vendée. C'est pourquoi Dieu nous soutient. Notre premier requiem est pour les morts de Vendée. Les chroniques du Krak. Les hommes sont prêts. Gamelin, suivez l'étendard du roi au centre. Grimbold, menez votre compagnie à droite quand vous aurez passé les murs. En avant, ne craignez aucune obscurité. Debout, les lances seront secouées. Les boucliers voleront en éclats. Une journée de l'épée, une journée rouge, avant que le soleil ne se lève. Les chroniques du Krak. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. 'Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving, but we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, and white lightning still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen, and football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. White lightning's still the biggest thrill of all. And white lightning's still the biggest thrill of all. Merle Haggard, comme on dit là-bas, et en français Merle Haggard. Un Merle dans les chroniques du crack, Merle qui préfère habiter Muskogee, parce que dans les années 60, ça devait pas être mal, Muskogee. Maintenant, si vous le pouvez, fuyez les grandes villes. Comme le dernier lien qui vous retient à l'atmosphère empuantée des villes, c'est la télévision, cassez vos téléviseurs. Moi, ça fait 40 ans que j'ai porté ma télé à la déchetterie et je m'en porte pas plus mal. À quoi, en effet, ça sert de se dire contre-révolutionnaire si on passe ses loisirs à regarder les séries télé américaines qui sont formatées au wokisme, hein, finalement? Bon, comme quoi on dit pas que des bêtises dans cette émission. J'aimerais maintenant justement rendre hommage à nos amis qui se battent contre ce formatage luciférien et mondialiste et globaliste et écologiste et marxiste de la culture. Je tiens d'abord à mentionner Média Presse Info qui font un travail remarquable. Gratuitement, ils informent sans concession sur la politique, la situation internationale, la société, la culture et la France déclochée. Donc ça vaut le coup d'y jeter un œil et même les deux. Je rappelle que MPI est la gentillesse de relayer la publicité des chroniques du crack sur leur site. Mais vous imaginez que faire un travail de journaliste indépendant à travers le monde, ça a un coût. MPI a besoin de vous, de nous, de tout le monde, donc donnez ce que vous pouvez en allant sur leur site media-presse.info. Je tiens enfin à saluer le mensuel Lecture Française, l'un des plus vieux magazines contre-révolutionnaires, sinon le plus vieux puisqu'il a été fondé par Henri Coston en 1957. Monsieur Coston était l'un des proches du vieux maréchal. Spécialiste des sociétés secrètes qu'il a combattues toute sa vie, il est l'auteur entre autres d'un dictionnaire de la politique française en 5 volumes. Je tiens donc à saluer Lecture Française qui vient de publier en décembre dernier son numéro 800. Joyeux anniversaire donc à cette revue courageuse qui vous propose chaque mois en deux parties denses, un regard sur l'actualité, une analyse géopolitique, des dossiers, des recensions de livres, un panorama des éditions de revues et de livres. Ça c'est la première partie. La seconde partie, c'est lecture et tradition, c'est un regard plus appuyé sur la vie de la tradition catholique. Il ne faut pas laisser nos amis se battre seuls, il faut leur donner des munitions. Ces munitions, c'est vos abonnements. Pour cela, rendez-vous sur leur site afin de recevoir le magazine chez vous. lecture-française.fr. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré en manger tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré en manger tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. C'est dans 8 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 8 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 7 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 7 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, ont mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain sont passés dans le pré, ont mangé tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. Hey! Thank you. Michaud et son petit poulain, sans passer dans le pré, on mangeait tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain, sans passer dans le pré, on mangeait tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. Pleine, j'ai vu le loup à la nuit tomber. J'ai vu le loup à la lune pleine. J'ai vu le loup à la nuit tomber. C'est moi-même qui l'ai guigné. J'ai vu le loup à la lune pleine. C'est moi-même qui l'ai guigné. J'ai vu le loup à la nuit tomber. C'est moi-même qui l'ai guigné. J'ai vu le loup à la lune. J'ai oui le loup à la nuit chanté. J'ai oui le loup, le gris, le fiel. J'ai oui le loup à la nuit chanté. C'est moi-même qui l'ai rechigné. J'ai oui le loup, le gris, le fiel. C'est moi-même qui l'ai rechigné. J'ai oui le loup à la nuit chanté. C'est moi-même qui l'ai rechigné. J'ai oui le loup, le gris, le fiel. C'est moi-même qui l'ai rechigné. J'ai oui le loup à la nuit chanté. J'ai vu le loup à la nuit rôder. J'ai vu le loup de par la plaine. J'ai vu le loup à la nuit rôder. C'est moi-même qui l'ai réveillé. J'ai vu le loup de par la plaine. C'est moi-même qui l'ai réveillé. J'ai vu le loup à la nuit rôder. C'est moi-même qui l'ai réveillé. J'ai vu le loup de par la plaine. C'est moi-même qui l'ai réveillé. Yul des Compagnons du Monde ont vu le loup dans les chroniques du crack. Auparavant, on a entendu Gérard Giffray pour la reprise du traditionnel J'entends le loup, le renard et la belette. Vous connaissez la version du groupe Trian et celle de la jolie chanteuse bretonne Nolwenn Leroy et vous vous êtes dit que oui, c'est une vieille chanson française, ça, la jument de Michaud. Eh bien, pas du tout. À l'origine, J'entends le loup, le renard et la belette est un chant originaire de Bourgogne du 15e siècle. En Bretagne, elle sera enregistrée pour la première fois en 1973 par un groupe folk de la région nantaise, puis par Alan Stivell. Bienvenue dans les Chroniques du Crack, votre émission de reconquête culturelle. Hector Odomaris, chevalier de Notre-Dame, par la grâce de Dieu, pour vous servir. Je vous rappelle l'adresse de l'émission chroniquesducrack@protan.me. On va retrouver tout de suite la suite des aventures médiévales de Tancred, fils de Gilbert et Hermine de Montmirail, son oncle paternel et le sire Gautier, vassal du seigneur de Beauvais, Gautier chez qui il fait son apprentissage de page. Le frère Dominique-Marie de l'ordre de Saint-Dominique lui enseigne doctrine, lecture, écriture et calcul. Clint du Bois de Vest lui apprend l'art de monter à cheval. Dame Clotilde de Montmirail lui apprend courtoisie et danse. Guillaume Taillefer est son maître d'armes et justement le jeune page doit s'exercer à la voie de l'épée comme il existait, la voie du sabre chez les anciens samouraïs. Tancred doit s'exercer maintenant à porter ses coups à un maître d'armes dont il déteste le sourire qui apparaît à chaque fois qu'un coup est paré ou esquivé. Le couronné, un coup haut qui consiste à faire tourner la lame en vue de trancher la gorge de l'ennemi. Le mouliné, brisé, qui vient trancher l'air en diagonale. Le revers, qui attaque depuis les épaules. L'estoc, qui cherche à transpercer les corps. Mais on combat plus en taille qu'en estoc, jeune loup. Alors Tancred lance à son professeur un regard très appuyé. Que faire si on est acculé au mur de la longueur d'une lame? Le maître ferrailleur sourit cruellement. Eh bien, il existe un coup qui est... Il est interdit en lice, lors des joutes. Mais il est autorisé à la guerre ou dans une ordalie. Le professionnel remarque les yeux ronds de son élève. Ordalie, c'est un duel judiciaire, oui. Si vous devez prouver votre innocence et que toutes les apparences sont contre vous, vous pouvez en appeler à la justice de Dieu qui doit vous innocenter si tel est son bon plaisir. Eh bien, dans une ordalie, comme à la guerre, on autorise ce coup. Ce coup s'appelle le revers au opale. L'épée est droite, pointe en bas et fermement tenue. Voilà, comme ça. Lorsque votre ennemi écarte les deux jambes, la lame doit remonter rapidement d'un coup pour se ficher dans les... L'enfant fait une grimace. Ouais, c'est pas très chevaleresque, moi, jeune seigneur. Mais c'est efficace dans des occasions dangereuses où c'est soit vous, soit lui qui restera au sol. Maître Taillefer marque une pause. Eh bien, au travail, jeune loup. Vous allez me porter en coup haut de votre choix une attaque avec votre épée en bois. Le jeune Tancred se sent soudain poussé par une énergie guerrière. Parti de sa position en garde d'attaque, il fond sur Taillefer, toujours souriant, et attaque par un coup en mouliné à la tête. Mais aussitôt, une atroce vibration de la lame lui fait vriller le poignet. Évidemment, le maître d'armes avait paré par une tierce épée en pale à la hauteur du cou. C'est pas mal du tout, jeune loup. Allez, on recommence. Mais voilà qu'un appel met fin à la leçon d'armes. Thomas le cuisinier apparaît. Tancred, Dame Clotilde vous réclame. Mon Dieu! Notre jeune page avait complètement oublié sa première leçon de courtoisie. Soufflant et fumant comme un percheron traînant son soc de labourage dans une terre grasse, Tancred grimpe 4 à 4 les 90 marches, les 90 marches étroites de l'escalier de haute pierre en colimaçon menant à la salle à manger. Il se précipite en direction de Tante Clotilde de Montmirail, assise de belle manière sur une chaise, en train de recoudre une pièce de tissu grise. Celle-ci lui adresse un regard de doux reproche ironique. « Nous avions convenu, tierce, je crois, et vous avez entendu la cloche de la chapelle. Eh bien, voyez-vous, j'ai eu tout le temps de finir de repriser le surcot de votre cher oncle en vous attendant. » Dame Clotilde pose son ouvrage. « La prochaine fois, soyez à l'heure, beau doux sire mon neveu. » Voyant sa mine essoufflée et implorante, elle peut s'empêcher de glousser. « Donc commençons votre première leçon de courtoisie par les tables. » Vous en remarquerez la disposition convenable pour honorer le seigneur et les hôtes de passage. C'est une forme de U, un U majuscule. D'ailleurs, il me semble que les tables sont également disposées de cette manière dans les salles de chapitre des grands ordres militaires tels que les chevaliers du Temple de Jérusalem. Et chaque table porte un nom. Clotilde se lève majestueusement. Voici la table qu'on nomme le hibou. Le hibou ? Questionne timidement Tancred. Clotilde étouffe un rire. Quel hibou ? Non, je disais le hibou. C'est la longue table en bout du U. On l'a dit haute parce que, penchez-vous un peu, vous allez voir, elle est juchée sur ce petit échafaud, de manière à ce qu'elle soit surélevée. Le seigneur, le chapelain et les convives de prestige sont attablés là. Le haut bout est à l'abri du froid et donc près de l'âtre. Tancrède prend de l'assurance. Je pense que les tables latérales qui forment les deux branches du U sont réservées aux familiers. Bien vu, mon neveu. Les commensaux, en effet, y prennent place, mais selon un ordre bien défini. Les hommes ne sont pas égaux. Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Certains sont plus fortunés, d'autres sont mieux nés. Que dirait-on si notre maison était administrée par notre valet d'écurie et si je devais être astreinte aux travaux de la cuisine? Que dirait-on si le royaume était dirigé par un riche bourgeois? Gouverner, c'est faire autre chose que gérer le trésor du pays. Le roi gouverne et ses inférieurs administrent, d'où leur nom de ministre. C'est pour ça qu'il faut à la tête du royaume le premier des membres de l'aristocratie franque, le roi de France, sacré et couronné. C'est pour cela que notre maison est gouvernée par votre oncle. Ainsi, les commensaux prennent ici place à table selon un ordre respectant leur dignité et leur charge. Les plus puissants sont assis juste à côté du haut bout, alors que leurs inférieurs, en bout de table, du bas bout. Comme vous le voyez, l'espace libre entre les deux alignements de table permet le service. Eh bien, nous verrons la suite de cette leçon de courtoisie la prochaine fois. Laissons place au troubadour animant les repas du Seigneur, le groupe Athénian Tourdion qui interprète une chanson de circonstance « Quand je bois du vin clairé ». Bienvenue dans les chroniques du crack, le verre à la main. Cette nouvelle émission. Je vous donne rendez-vous le samedi 1er juin de l'an de grâce 2024. On se quitte sur le très beau Resurrexit du compositeur Franz Liszt qui n'est pas sans rappeler le Messie de Handel. Que Dieu vous accorde longue et belle vie et le Saint Paradis à la fin de vos jours. C'était les Chroniques du Crack avec Hector de Maris, chevalier de Notre-Dame, par la grâce de Dieu. Thank you. Deus regnat in sempiter. Chronique du crâne, frère Hector de Maris.